Un plaisir d'accueillir Yves Frémion. Alors, sa venue a été organisée en collaboration avec le groupe Libertad de la Seyne-Sifour. Yves est déjà passé par Château Arnoux, La Seyne et Cuers, qu'il est aujourd'hui à Marseille. Yves Frémion vit entre Paris et les Cévennes. C'est un auteur prolifique. On dit, enfin, j'ai lu que tu avais écrit 80 ouvrages. Non, j'ai publié, j'en ai écrit plus que ça. Plus que ça. Ils sont tous sortis, en fait. Parmi ces ouvrages, de la science-fiction, de la poésie, des essais sur la bande dessinée. Et on avait remarqué aussi Ra en 1980, un livre qui s'appelait Les orgasmes de l'histoire, que nous n'avons pas, on vient de regarder, qui avait été fait en collaboration avec le dessinateur Volny, qui est ici, qui est présent ici. Merci. Et qui était un petit historique très agréable à lire des mouvements de révolte à travers l'histoire et le monde. Yves est auteur de romans policiers et il a écrit un certain nombre, une série qui s'appelle Le Soviet sous le pseudonyme de Colonel Durruti. Vous êtes un ami d'Emmanuel Voine, c'est pour ça qu'il y a un pseudo. Il y a eu 4 volumes parus à ce jour et c'est réédité en série noire, peut-être pas les 4, je crois. 2 pour le moment, mais il n'est pas exclu que ça passe chez un troisième éditeur qui refasse toute la série. Mais c'est pas... D'accord. Yves écrit des rubriques dans Flux Glacial, une rubrique que j'aime bien qui s'appelle Tarte à la crème, où sont décrits des personnages, des peintres, dessinateurs, écrivains qui méritent d'être connus, qui sont assez méconnus, qui méritent d'être connus. Qui sont des humoristes. Dans Nova Magazine aussi, ça je ne connais pas, et il a fait des émissions sur Radio Libertaire. Oui, il y a longtemps. L'écologie politique l'intéresse, il est membre des Verts, il a été député européen de 1991 à 1994, et actuellement conseiller régional d'Île-de-France depuis 1998. Donc aujourd'hui, sa venue est liée à l'apparition du livre L'anarchiste. Sous-titre L'affaire Léautier, paru chez Flammarion au mois de mars. On n'a malheureusement plus qu'un seul exemplaire, je ne sais pas s'il a été vendu. Bon, de toute façon, c'est assez facile à... Non, pas encore. C'est assez facile. C'est assez... L'autre a été vendu. C'est assez facile à trouver. J'ai encore rien dit. C'est assez facile à trouver en librairie, car édité chez un grand éditeur, il peut être commandé chez tout bon libraire. Oui. Bon, il doit être encore disponible. Oui, non, pas de problème. Tu vas nous expliquer pourquoi avoir choisi ce personnage, cette période, et une période où l'anarchisme était, enfin une période où ça a été assez décrié, puisque anarchiste depuis cette époque est synonyme de désordre, et que les anarchistes actuels seraient plutôt, comme disait Reclus, voudraient que l'anarchie soit la plus haute expression de l'ordre. Moi j'ai une autre théorie, c'est que c'est l'harmonie qui peut faire régner. Pas forcément l'ordre, puisque c'est un mot qui maintenant prend un autre sens que celui que lui avait donné, le père Élisée quand même. Bon, eh bien écoutez d'abord, bonjour à tout le monde. J'ai souvent entendu parler du CIRA, il m'est arrivé de lui écrire, de lui faire envoyer des livres, parce que quand je fais des livres un peu libertaires, je mets toujours le CIRA de Genève, celui-ci, et l'Institut d'Amsterdam sur la liste des services de presse, mais en général, les attachés de presse les rayent. Mais enfin, bon, voilà. Et c'est la première fois que j'y viens, donc c'est quand même un endroit... Ça fait plaisir de voir des livres comme ceux-là, bien rangés, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai, mais c'est pas rangé. Donc, Léautier... alors ici, c'est un peu particulier, parce que je suppose que la plupart des gens qui sont ici ont quand même de bonnes notions de l'histoire des mouvements libertaires, et puis de la période que je décris. Qu'on appelle traditionnellement, les historiens appellent ça la période, la grande période du terrorisme anarchiste, puisque c'est une période où la plupart, enfin pas la plupart, mais enfin une grande partie des anarchistes de l'époque avaient décidé que la seule stratégie possible c'était la propagande par le fait, et quand ils parlaient de faits assez violents, puisque ça passait essentiellement par des attentats contre les différentes forces de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'armée, pas trop l'église à ce moment-là, ils n'ont pas trop attaqué à l'église, mais enfin ils ont l'armée, le parlementarisme, présidence de la République, etc. Un certain nombre d'actions ont été faites, et on se souvient aujourd'hui uniquement des personnages qui, pour les actions qu'ils ont faites, ont été condamnés à mort et exécutés. Ceux-là sont devenus à la fois presque des saints pour certains d'entre eux, puisqu'on a parlé à un moment de Ravachol presque comme un saint, et vraiment l'archétype de l'anarchiste ultra-violent, dangereux et criminel, tel que peuvent le voir de l'autre côté ses adversaires. Alors les grands noms, c'est évidemment, c'est Ravachol, c'est Émile Henry, c'est Vaillant, c'est Cazerieux. Ça occulte un petit peu tout ce qui a été fait également à la même époque, et pour avoir lu pratiquement les quotidiens jour par jour de cette époque, les quotidiens de cette époque ils sont très très grands comme ça. Donc c'est très important quand on peut les lire directement plutôt que de regarder les microfilms comme on vous montre à la Bibliothèque Nationale. Parce que vous avez l'ambiance de l'époque, et ce qui est formidable, c'est qu'on voit à la fois les faits très très violents ça, qui sont passés à la postérité, mais on voit aussi tous les petits faits quotidiens qui peuvent aller dans le même sens ou aller dans le sens contraire. Parce qu'il ne faut pas imaginer les anarchistes de l'époque comme étant un seul mouvement, c'est pas lutte ouvrière, je veux dire, bon, c'est comme aujourd'hui, autant de groupes, autant de philosophies, autant de stratégies, et il y a à l'époque des anarchistes qui sont tout à fait pour l'emploi de la violence, et d'autres au contraire qui sont des ultra non-violents. Il y a même des anarchistes un peu mystiques, il y en a qui vivent en communauté, il y en a qui s'occupent d'écoles alternatives, il y en a qui s'occupent, c'est très important comme mouvement à l'époque, de contrôle des naissances, il y en a qui s'occupent de solidarité, parce qu'il y a beaucoup de compagnons en prison, donc ils s'occupent des, j'allais dire des veuves, enfin des épouses et des enfants qui souvent, comme à cette époque, il n'y a qu'un salaire, c'est celui du bonhomme, et quand il est en prison, ben, il ne rentre plus rien, donc il faut s'occuper d'eux. Donc il y a toute une série de mouvements comme ça, et puis il y a beaucoup d'expériences communautaires. Alors, comme il va s'abattre à cette époque une répression absolument terrible, on va arrêter quasiment tous ces gens-là. Donc, c'est parce qu'on les arrête que par le journal, on sait qu'ils existaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on dit, alors, moi j'ai appris comme ça qu'il y avait des communes anarchistes dans des départements que je connais bien, où jamais j'aurais imaginé qu'il y avait ça à cette époque. Donc c'est pas inintéressant de fouiller les journaux de cette époque. Alors donc, grosso modo, c'est une période qui va, on va dire, de 1891 à 96-98, à peu près. Mais la grande période anarchiste, c'est, on dit toujours, c'est de Ravachol à Cazerieux, hein, grosso modo, puisqu'après Cazerieux, ça s'arrête. Alors ce qui s'est passé, c'est que, bon, Ravachol, je ne vais pas vous raconter Ravachol ici, mais quand Ravachol est guillotiné, ça provoque une espèce de grand mouvement électrique dans toute la France, c'est-à-dire que dans le moindre département, le moindre libertaire n'a plus qu'un souci, on va venger Ravachol. Ça, c'est vraiment unanime. Émile Henry commence à poser des bombes. Vaillant fera sauter, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est quand même un acte qu'on n'a pas fait souvent en France. Sadi Carnot, le président de la République, recevra un coup de poignard de Cazerieux. Donc ça a été vraiment une offensive d'une puissance qu'on n'avait pas vue avant, qu'on n'a pas revue après, et qui a quand même énormément secoué le pays, et qui a créé une espèce de paranoïa. Évidemment dans les corps constitués, dans ceux qui étaient visés, bien sûr, dans la classe politique, mais dans les médias et dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on voyait des anarchistes partout, le moindre mec qui avait un peu une barbe, qui était un peu mal habillé, qui marchait sur les chemins, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sillonnaient la France à l'époque, le moindre type qui avait fait une réflexion un peu bizarre du genre « Ah, oh, mais Ravachol a bien eu raison », ou un truc comme ça, boum, il se retrouvait au trou en deux temps trois mouvements dénoncés par tous les consommateurs du bistrot. Ce qui fait d'ailleurs qu'immédiatement ses amis se vengeaient en saccageant le bistrot. Donc il y avait une espèce d'enchaînement comme ça qui créait une ambiance un peu redoutable. Alors, pourquoi Léon Thiers? Qu'est-ce qui vient fiche dans cette histoire? Alors Léon Thiers, c'est un gamin. Tout le monde le décrit comme ça. C'est un garçon assez chétif, presque maladif, assez pâle. Une petite barbichette qui le vieillit, qui fait un visage plus vieux que son visage lui-même ne l'exprime. Il est un garçon assez replié sur lui-même, très solitaire, très enfermé, mais qui depuis 16 ans, l'âge de 16 ans, dit-il, a été convaincu par les vertus de l'anarchie, qui se dit anarchiste. Il est né à Manosque. Il y a quelques jours, puisqu'on a essayé de faire une conférence à Manosque, qu'on a fait à côté, puisqu'il n'y a pas de salle libre, avec les copains Anard de la Barre, on a essayé de retrouver sa maison natale avec l'idée de faire une fête en faveur de Léotier devant, mettre une fausse plaque sur sa truc et puis demander à la mairie qu'elle baptise la place, place Léotier. Et depuis, on a découvert que vraisemblablement, il y a une place qui a été faite à la place de sa maison natale. Donc, on peut s'appeler Léotier, celle-là, il n'y a pas de problème. On va essayer de faire quelque chose là-dessus. Et ce Léon Léotier, une famille très modeste, je crois que son père travaille dans la brasserie, dans la bière, et il se fait cordonnier. Donc, il est apprenti, et il va arriver à Marseille, où... ce jeune anarchiste a l'occasion d'entendre une des multiples conférences que Sébastien Faure a fait à Marseille. Alors il rencontre Sébastien Faure, ça va être la seule rencontre qu'il va avoir avec un anarchiste de l'époque, parce qu'il est vraiment extrêmement solitaire, et puis il faut dire que c'est quand même la grande période de l'anarchisme individualiste, c'est-à-dire qu'en dehors des groupes, il y a énormément de gens tout seuls dans leur coin qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de rencontrer quelqu'un d'autre pour avoir une stratégie et une action. Il rencontre Sébastien Faure et il lui dit, il lui explique que lui il veut vraiment faire un acte très spectaculaire, qu'il est prêt à donner sa vie pour la cause, machin. Sébastien Faure, qui n'est pas très âgé à cette époque-là, mais qui est déjà quand même un vironnard, voit ce gamin avec ses idées, il fait ce que tout le monde aurait fait, il lui dit, écoute, fais pas le couillon, fais pas ça, c'est pas comme ça, l'anarchie c'est plus compliqué, il le dissuade. Peu de temps après, Léotier monte à Paris pour trouver du travail et il bricole pour différents cordonniers, enfin boutiques de cordonniers de... Bonsoir, en fait. Bonsoir. Différentes boutiques de cordonniers où il travaille à façon, c'est-à-dire que quand on a du boulot à les lui donner, il fait ses paires de chaussures, il les ramène, il n'a pas... Bonsoir. Il n'a pas un statut de... Il n'est pas salarié, il n'est pas... Bon, donc il vit dans des conditions quand même assez précaires. Et il habite dans des meublés, plus ou moins vers la région des Filles du Calvaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, quand même, petit à petit, il s'aigrit un peu. Il trouve que la société est épouvantable, ce en quoi il n'a pas tort. Ce qu'on appelle la belle époque est une époque extrêmement noire, d'une rare violence. Enfin, je veux dire violence... contre ce qu'on appellerait aujourd'hui les exclus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de logement, énormément de gens qui n'ont pas de travail, ceux qui travaillent sont vraiment surexploités, le capitalisme est d'un cynisme absolument effrayant, la condition des femmes est épouvantable, celle des enfants qui souvent sont obligés de travailler est vraiment terrible aussi, la bourgeoisie est très insolente à cette époque-là. Et si vous voulez vraiment comprendre bien cette époque, je crois que la seule comparaison qu'on peut faire, c'est avec la nôtre. C'est-à-dire il y a ce même mépris pour le monde du travail, ces gens qui sont taillables et accorvéables à merci, cette espèce de cynisme que l'on entend dans le patronat. Moi, ayant travaillé ce bouquin bien avant que ce qu'on voit aujourd'hui arrive, puisque c'est un livre que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, en fait, c'est un livre qui a traîné longtemps. Plus j'avançais dans le livre, plus j'avais l'impression de retrouver des ambiances de cette époque dans la nôtre. Et donc, Léotier est très très indigné par ce qui se passe, et c'est un personnage très idéaliste, très, très pur. C'est d'ailleurs pour ça que, sur la suggestion de mon éditeur, ce bouquin s'appelle « L'anarchiste », parce que on cherchait un titre et depuis longtemps on hésitait, parce que l'affaire Léotier c'est un bon sous-titre, mais c'est pas un titre. Et mon éditeur me dit, mais tu sais, ton personnage, finalement, c'est l'anarchiste. C'est vraiment l'anarchiste poussé à l'extrême dans sa pensée, parce que c'est un solitaire, et c'est vrai que s'il avait rencontré des compagnons à l'époque, il serait sans doute rentré dans un autre circuit, celui soit du syndicalisme, soit de différents combats plus positifs, etc. Mais pour lui, il est seul dans son coin, on ne peut pas différer une riposte à cette situation vraiment très grave pour lui. Et donc, il va faire un coup d'éclat. Alors ça, un coup d'éclat, vous voyez, bon, c'est là qu'on va mesurer un peu la dimension naïve du personnage. Son idée, c'est qu'il faut tuer Gambetta. Ah, il faut tuer Gambetta. Et comme il est très isolé, il n'a aucune idée de où est Gambetta. Encore faudrait-il savoir où on peut le trouver pour aller faire un attentat contre Gambetta. Il n'a pas la moindre idée. Alors, au bout de quelques temps, quand même, il diffère son idée et il se dit, bon, Gambetta, je ne sais pas où il est, mais des riches bourgeois, j'en vois tous les jours et je vais m'en faire un, quoi. Puisque c'est la grande obsession que l'on trouve dans la presse la plus agressive de l'époque, c'est il faut crever les bourgeois, c'est l'expression qu'on emploie. C'est vraiment très, très... presque obsessionnel, quoi. Alors lui, il décide de faire un truc que personne n'a jamais fait, à ma connaissance, à l'époque. C'est que il décide d'aller là où on voit les bourgeois, donc dans un grand restaurant, et de frapper au hasard le type qui a l'air le plus bourgeois. C'est simpliste, je suis d'accord, ça nous fait un peu rire, mais c'est comme ça que lui décide. Alors, il va dans un restaurant qu'on appelle le Marguerite, grand restaurant de l'époque, puis se dit c'est peut-être la dernière fois que je vais bouffer autre chose que la pitance de la prison, donc il fait un bon gueuleton, enfin un gueuleton pour lui, c'est un repas à peu près normal pour bien des gens, mais enfin bon, il bouffe à l'œil, etc. Il manque de bol dans ce Marguerite, ils ne trouvent pas le bourgeois qu'il faut, ils n'ont pas vraiment l'air de bourgeois, c'est peut-être des petits employés, je ne sais pas, ou des ouvriers qui ont décidé de faire un gueuleton ce jour-là, enfin bon, ils ne trouvent pas. Donc, il est obligé de dire au patron qu'il n'a pas d'argent, etc. Le patron le fout à la porte avec un coup de pied aux fesses. Et ce brave patron, qui est décrit d'ailleurs à l'époque comme un restaurateur un type plutôt sympathique, qui a des idées assez sociales, qui a bien vu qu'il est un peu tombé sur un givré, le vire sans appeler la police. Et s'il avait appelé la police, il n'y avait plus d'affaires, c'était fini. Donc le lendemain, mon Léotier recommence, il va dans un autre restaurant, parce que là il était grillé, il va au Bouillon du Val. Alors les Bouillons du Val, c'est des espèces de... c'est pas des grands restaurants en fait, c'est des restaurants un peu intermédiaires, pas très chers, où même des ouvriers vont, quand ils ont un peu de... envie de manger un peu plus que l'ordinaire. Bouillon, c'est simplement parce qu'on vous servait, vous savez, ces pièces de bœuf dans une soupe. Aujourd'hui, on a ça en sachet, mais bon, à l'époque, ça se fait comme ça. Vous avez tous entendu la chanson « La soupe et le bœuf et les faillots », ça vient de ça. Et il va au Bouillon du Val, et il recommence. Mais là, cette fois-ci, il a plus de chance, si on peut dire. Il y a un type qui bouffe en face de lui, qui est un type un peu ventripotent, bien costaud, superbement habillé, qui a vraiment l'air du bourgeois, qui mange bien, ça, dit, et puis il a sur lui la preuve absolue que c'est vraiment un salaud de bourgeois, ça il n'y a pas de doute, il a la rosette de la Légion d'honneur. Pour Léotier, il ne peut pas y avoir de doute, jamais un compagnon, jamais un ouvrier, jamais un exploité n'aura la Légion d'honneur, et à cette époque il se trompe pas trop, il faut dire ce qui est. En réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est pas du tout un bourgeois et un capitaliste français, c'est un ministre plénipotentiaire serbe, qui se trouve là et qui va d'ailleurs quitter son poste, il est en stand-by et il va s'en aller. Il est strictement pour rien dans cette affaire. Et Léotier, qui a décidé que son acte devait être avant tout quelque chose de très symbolique, il l'a écrit à Sébastien Faure, il écrit à Sébastien Faure ce qu'il va faire juste avant. Mais Faure reçoit manifestement la lettre le jour même, donc il ne peut pas agir. Il écrit à Sébastien Faure, il va le dire à la police, il le dira à son procès. Pour lui, l'essentiel, c'était de frapper avec son outil d'ouvrier. Il est cordonnier, donc il travaille avec un tranchet pour couper le cuir. Il a aiguisé ce tranchet sur une espèce de lame très fine, très longue, très dangereuse. Et il l'a affûté différemment pour frapper, pas pour couper. Et il veut le frapper avec son tranchet de cordonnier qu'il a là-dessous. Et comme à l'époque de la guerre d'Espagne, on coupait les jarrets des chevaux. Et paf, il flanque son tranché de cordonnier dans le cœur du ministre plénipotentiaire serbe. Et évidemment, c'est là que l'histoire est merveilleuse, c'est que le grand bourgeois, qu'est-ce qu'il a sur son cœur? Traditionnellement, dans l'imagerie, il a le portefeuille bourré de gros billets. Et c'est ça qui sauve le monsieur Georgievitch, qui reçoit ce coup de tranchée, c'est qu'il se plante dans le portefeuille, c'est trop beau, quoi. C'est presque un conte de fées. Et il meurt pas. Il est gravement blessé, mais il ne mourra pas. Ce qui explique que quand les hautiers, immédiatement, les hautiers foncent au commissariat pour dire « J'ai tué un grand bourgeois, il faut m'arrêter, je suis, j'ai vengé Ravachol, abat la bourgeoisie, abat la société, vive l'anarchie, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on l'arrête, on le traduit en justice assez vite, ce que je vous raconte se passe en novembre 93, et on le juge en février 94, au moment même où entre-temps, parce que trois semaines après son attentat, Vaillant fait sauter la chambre. Donc là, panique totale, les trois premières lois scélérates qui tombent sur l'orable de tout le monde, pour simplement avoir exprimé des idées ou posséder une brochure chez soi, on est en prison et on tombe sous le coup des lois scélérates. On arrête Vaillant, on le condamne à mort, on l'exécute la semaine avant qu'on juge les hautiers. Donc vous voyez, le climat, il est pas très bon pour lui. Il est défendu par un avocat qui est le grand avocat de gauche de l'époque, qui a défendu Ravachol, qui a défendu beaucoup de gens, qui s'appelle Maître Lagasse, un personnage très, très sympathique, socialiste, et ma foi, qui a peu de compassion pour ces gens, que sont les anarchistes, qui prennent vraiment des risques. Il sera d'ailleurs au procès des 30 aussi. Et Lagasse s'en tire pas mal puisqu'il sauve la tête de Léautier. Il est jugé en une après-midi et à la stupeur de la presse, des observateurs et à la stupeur de Léautier lui-même, qui a proclamé fièrement qu'il sourirait sous votre guillotine, dit-il, pendant son procès. Donc c'est très fanfaron, il a un côté Cyrano. Hein, vous voyez, c'est le côté, enfin Cyrano, je parle plus de Rostand, ce côté un peu bravache, on risque notre vie, mais on est content, c'est comme Ravachol sous la guillotine qui se met à chanter pendant ton propriétaire. Bon, il y a ce côté-là chez lui qui est très clair. Donc il sauve sa tête, ils sont condamnés à la perpétuité au bagne, et c'est là que l'histoire prend une toute autre tournure, très intéressante, que j'avais pas du tout mesuré quand j'ai commencé à travailler sur lui. Léautier part au bagne l'été 94 sur le navire qui part de l'île de Ré. Coïncidence, c'est la seule fois qu'il y a eu une mutinerie sur un des bateaux qui partait au bagne. Alors vous pensez, ça m'a intéressé, je cherchais désespérément des traces de Léautier dans les gens révoltés. En réalité, ce que j'ai appris, c'est que Léautier était malade comme un chien. Il était pratiquement à l'agonie dans les cales, donc il n'a pas du tout participé à la mutinerie, il était malade. Il faut savoir que dans ces convois de bagnards, il y en a des dizaines qui mouraient en cours de route parce que les conditions de voyage étaient vraiment épouvantables. Et donc il ne participe pas à ça. Il arrive là-bas à l'îlot Saint-Joseph où il va connaître la vie des bagnards pendant quelques mois, qui est une vie absolument épouvantable. Je crois que la plupart d'entre vous ont dû quand même lire des livres qui évoquent le bagne. Vous imaginez ce que c'est absolument terrible. Et en travaillant sur le bagne, je ne voulais pas m'étendre longuement sur le bagne puisque des tas de livres l'avaient fait, mais je cherchais quand même comment avait fini Léautier. Et c'est là que j'ai mis le doigt sur quelque chose, je crois être le premier à l'avoir décrit comme ça, parce que j'ai vraiment cherché partout, il n'y en a aucune trace, nulle part. Personne n'en parle, aucun historien du bagne ne parle de ça. L'administration du bagne a monté une provocation, non pas policière, mais administrative, militaire, comme vous voudrez, de toutes pièces. C'est-à-dire qu'avec des bagnards qui on avait promis sans doute une remise de peine, quelques avantages minables, ont accepté de faire les moutons et même plus que ça, d'essayer de provoquer une mutinerie au bagne pour permettre... Ça, c'était la grande obsession des militaires qui étaient là-bas, qui ne supportaient pas que des anarchistes et des révolutionnaires sauvaient leur peau, de les liquider tous d'un coup. Et il faut savoir qu'à la même époque, il y a beaucoup de compagnons anarchistes qui sont au bagne. Alors certains, parce qu'ils ont fait des choses bon, qui, à l'époque, méritent le bagne, c'est-à-dire il y a eu, par exemple, une ou deux exécutions de mouchards, donc ceux qui ont tué le mouchard se trouvent au bagne, mais il y a aussi les compagnons de Ravachol qui eux ont sauvé leur tête et donc ils ont été envoyés au bagne, et particulièrement un très pittoresque qui s'appelle Biscuit, qu'on surnomme Biscuit, qui est un petit titi parisien très classique, un brave garçon en fait, et puis beaucoup de gens qui ont simplement volé des trucs, qui ont participé à des vols, et vous savez qu'à cette époque, c'est la grande époque de la reprise, hein, de la reprise révolutionnaire qui fait qu'on vole non pas pour s'enrichir soi-même ou pour sortir de sa condition, mais on vole pour la cause, pour aider des copains à acheter du matériel d'imprimerie ou à sortir un journal ou à aider à la solidarité des gens qui sont en prison. Et puis un type dont on a un peu oublié le souvenir, qui était un Italien qui vivait en France, qui s'appelait Pigny. Et Pigny avait été vraiment l'ennemi numéro un avant qu'on l'arrête. Et tous ces gens-là sont au bagne, mais Pigny et Clément Duval, ils vont avoir beaucoup de chance dans cette histoire. Pour des raisons, je crois, de maladie, ils sont pas dans l'île Saint-Joseph où les événements que je décris vont se passer. On est en octobre 1994. Et cette fausse révolte, les anards l'ont évidemment totalement identifié, ils connaissent bien la crapule qui essaie de monter la provocation, donc ils disent, on ne bouge pas du tout, mais la pression va être tellement forte que ceux qui n'étaient pas des militants politiques, qui eux n'ont pas du tout ni ce recul, ni cette réflexion, il y en a quelques-uns qui marchent dans la combine, et il y a un soulèvement provoqué donc par les mouchards à l'îlot Saint-Joseph. Et à ce moment-là, la machine militaire qui est largement prête, puisque ça fait 15 jours qu'ils préparent ça, est en marche, et pendant 3 jours, les militaires qui gardent le bagne vont massacrer les bagnards. Pendant 3 jours. Ils vont en tuer 14, je crois. Et évidemment, priorité à abattre les militants politiques. Donc, au moins la moitié de ces 14 étaient des anarchistes. Il y en a quelques-uns qui vont arriver à sauver leur peau en restant au fond des cases. Mais on les oblige parfois à sortir. Donc, il y a même ceux qui ne voulaient pas participer à la... même pas à la révolte, puisqu'on considérait que vous étiez révolté à partir du moment où vous sortiez de votre case, enfin de votre cellule. Et donc, on les poursuit dans la jungle. Bon, la plupart essaient quand même de se planquer un moment. Biscuit se planque en haut d'un arbre, ce qui n'est pas le meilleur endroit de se planquer sur un îlot désertique, il se fait descendre. Et Léautier sera tué en compagnie de deux de ses camarades devant une grotte où ils s'étaient réfugiés et où on va les enfumer pour les faire sortir. Un peu comme dans les... Hein? Oui, un peu comme à OVA, et c'est pas en Kanaki, mais c'est pas le bagne de Calédonie, c'est celui de Cayenne. Et donc, on les tue, et moi, à l'époque où je travaillais sur ça, j'avais un excellent ami, Michel Pierre, qui terminait un gros essai sur le bagne. Alors, comme j'avais les noms des victimes, j'avais leur numéro matricule, j'avais tout ça, je lui dis, qu'est-ce que tu as, toi, dans ton bouquin sur le massacre d'octobre 1994? Mais quel massacre d'octobre 1914, lui, il n'avait jamais entendu parler. Il avait fouillé toutes les archives du bagne. Vraiment, il avait tout lu, jamais entendu parler. Je lui dis, écoute, attends, c'est pas possible, cette histoire, c'est... Vérifie. Alors je lui donne tout, et il m'appelle 15 jours après, il me dit, t'as raison. C'est nulle part, mais apparemment j'ai retrouvé quelques traces. Effectivement, ces gens-là ont été tués, il y a eu une mutinerie, il y a eu un massacre, etc. Alors moi j'avais trouvé quand même quelques documents dans la presse anarchiste de l'époque, ou la presse, disons, d'extrême-gauche de l'époque. Le père Pénard en parle, parce que lui il était quand même toujours à l'affût de la moindre petite information, mais vous avez tous lu, je pense, le père Pénard, c'est pas chez lui qu'on va trouver des descriptions de faits exacts, c'est plutôt des articles d'humeur qu'il fait, mais dont il m'a permis de retrouver des choses. Et ce qui paraît en France, c'est qu'il y a eu une mutinerie au bagne et l'ordre a été rétabli, quoi. Grosso modo, ça fait 10 lignes, 20 lignes maximum dans les articles, et encore dans la presse de gauche. Il faut dire qu'à cette époque, les journaux sont pleins du bagne pourtant. Pourquoi ? Parce que commence une affaire qui va occulter tout ça rapidement, qui est l'affaire Dreyfus. Un mois après le massacre, ou deux mois après le massacre, à l'îlot d'à côté, Dreyfus est incarcéré, c'est l'île du diable. Donc on parle du bagne, mais c'est pas pour parler des anards, c'est pour parler de Dreyfus, ce crapule de Dreyfus qui a trahi l'honneur de l'armée française. C'est ce contexte-là. Et donc, ça passera totalement à la trappe, et ce pauvre Léautier, comme on le voit dans une image du livre, puisqu'il y a un petit cahier d'illustration, finit dans la panse des requins, puisqu'on jette les cadavres à l'eau, là où il y a des requins, au large de l'île Saint-Joseph. Donc j'ai reconstitué la vie de ce garçon. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans les quelques déclarations qu'on a de lui, notamment celle qu'il fait devant la police, qu'il a arrêté, ou devant le juge, je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait vachement le fier à bras, mais il a du style. Il est très insolent. Il se manifeste comme très très antimilitariste, très anti-autoritaire, très anticlérical, et très très fier d'avoir fait quelque chose, quoi. C'est-à-dire il a l'impression qu'il est devenu quelqu'un dans l'anarchie en ayant fait ça. Et il a des formules assez, assez remarquables qui fait que il y a une vingtaine d'années, Raoul Van Eghem avait cité Léautier dans un de ses livres. C'est là que j'ai entendu parler de lui la première fois, et j'avais trouvé cette citation vachement bien, je l'ai vu à Gelsé d'ailleurs. J'avais essayé d'en savoir plus. Tu évoquais tout à l'heure le livre que j'ai fait, Les organes de l'histoire, qui est un livre qui décrit 34 alternatives ou 34 révoltes. C'est sous-titré 3000 ans d'insurrection spontanée, ça commence à Spartacus et ça finissait aux paysans du Larzac. Aujourd'hui, ça finirait avec le sous-commandant Marcos ou avec le casse du McDonald's de Millau. Mais bon, donc c'est un peu ça l'idée de ce livre. Donc j'ai fait 34 chapitres parce qu'il fallait bien s'arrêter un moment, mais j'avais 300 ou 400 sujets. Donc j'avais un peu travaillé sur cette époque du terrorisme. Et donc j'avais fait quelques recherches sur Léautier, et plus j'avançais dans ce que je savais sur Léautier, plus j'avais envie d'en savoir plus, parce que personne n'en parlait. Si vous consultez le Métron, par exemple, l'encyclopédie, combien, 48 volumes, je ne sais plus, les collaborateurs de Métron, ou lui-même, n'ont aucune idée de ce qu'était Léautier, d'ailleurs ils ne savent pas écrire son nom. Et je me souviens de la formule de Métron, c'est un truc du genre... Fait divers assez terne de la période du terrorisme, ça n'a vraiment aucune importance. Et je trouve Léautier beaucoup plus passionnant que d'autres personnages, parce que ce que je disais tout à l'heure sur ce côté très pur, très idéal, il devient quelqu'un d'emblématique, et puis il n'a pas ce côté désagréable qu'on va retrouver aussi bien chez Ravachol que chez Bonneau, de gens qui, à au moins une période de leur vie, de leur action, à mon avis, n'est pas recommandable. Quand Ravachol tue l'ermite de Chambes, c'est vraiment pas honorable, on ne veut pas le soutenir là-dessus, c'est un crime crapuleux, nul, où il tue un pauvre type qui n'est pas riche. Chez Léautier, c'est le contraire. Tout en lui est presque parfait. Simplement, il a 19 ans, il meurt à 20. Ce qu'il serait devenu, on n'en sait rien, mais du coup, il garde ce côté, voyez, presque comme sous une boule de neige, là, vous savez, totalement isolé du truc. Alors, pour ça, il est intéressant. Et puis, deuxièmement, parce que moi, il m'a beaucoup interpellé à titre personnel de militant, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je suis un militant écologiste, donc parfaitement non-violent, converti à la non-violence par un type que j'admire beaucoup, qui s'appelait Jean-Marie Djibaou. Mais quand j'ai commencé à écrire le livre il y a très longtemps, j'étais pas sur ces idées-là. C'était avant l'écologie, donc je me définissais purement comme libertaire, même si j'avais quelques problèmes parfois avec mes camarades libertaires, mais enfin... J'étais plus sur des idées où j'excluais pas l'emploi de la violence dans un certain nombre de choses, donc ça me choquait moins. Aujourd'hui, son acte me choque plus. Mais par contre, ce qui était très intéressant, c'était de comparer le terrorisme à cette époque et le terrorisme tel qu'on le vit aujourd'hui, qui est d'ailleurs pas du tout un terrorisme anarchiste aujourd'hui. C'est un terrorisme qui vient d'un peu tout le monde et qui est un terrorisme ultra manipulé. Aujourd'hui, vous avez dans certains pays islamiques, chaque tendance intégriste a derrière elle une compagnie pétrolière rivale de l'autre qui leur file du fric ou qui achète des armes. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec cette époque extrêmement idéaliste de l'emploi de la violence et qui, ma foi, permettait une réflexion un petit peu de fond que je n'ai pas eu dans le livre, mais que j'ai fait dans une postface du livre où je m'explique là-dessus, parce que moi, évidemment, mes copains écolos, quand ils lisent ça, ils me disent « Mais attends, on croyait que tu étais non-violent, pourquoi tu valorises tant ce garçon ?» Donc voilà à peu près l'essentiel du livre. J'en dis pas plus parce que sinon vous l'achèterez pas. Et il y a besoin qu'il se vende bien parce que je veux faire un espèce de tome 2, on pourrait dire ça. Je veux maintenant, j'ai déjà beaucoup de notes là-dessus, j'ai commencé le travail, je veux maintenant raconter le procès des 30 qui se passe 5 mois après le procès de Léotier et qui, comme vous le savez, a été le procès où on a traîné tous les leaders anarchistes de l'époque, les violents, les non-violents, ceux qui approuvaient les attentats et ceux qui les avaient condamnés, plus quelques-uns qui étaient de doux rêveurs bien gentils qui ne faisaient même pas de politique, que tout ce qui était anard a été traîné dans un procès, où on les a assimilés à une bande de voleurs qui étaient des anards par ailleurs, qui faisaient de la reprise, mais pour bien montrer que Sébastien Faure et Jean Grave et Félix Fénéon et tout ça étaient vraiment des bandits et des criminels. Et ce procès a totalement foiré puisqu'il a fallu acquitter tout le monde. Et je suis en train de reconstituer. Alors j'aimerais bien que Flammarion le fasse avec celui-là. Donc voilà, il faut, si je fais un bide avec celui-là, il n'y aura pas le procès des 30. Choisissez votre camp camarade. Donc, s'il est emblématique de l'anarchie, moi je remets en cause l'anarchie, parce que ce que je retiens, c'est que c'était un homme terriblement solitaire. Oui. Il a agi seul, il a voulu agir seul, et en fait, à mon avis, il a voulu rompre cette solitude énorme qui était la sienne. Alors je me demande dans quelle mesure il y avait une part d'idéologie, dans quelle mesure c'était un acte plutôt égoïste. Parce qu'à quoi ça a servi? Ensuite, il voulait aller au bagne, alors aller au bagne, c'est quoi? Non, il ne voulait pas, lui, il pensait qu'il serait guillotiné. Voilà. Donc, à quoi c'est une forme de suicide, il faut... Ça sert, voilà. Oui. C'est plutôt un suicide, parce que moi, je crois que c'est dans mon avis personnel, c'est en essayant de changer les lois, qu'on change la société, mais c'est pas en se sacrifiant et en... Mais l'esprit de sacrifice, l'esprit de sacrifice est quelque chose d'extrêmement présent, oui, et extrêmement présent à cette époque, parce que c'est une période où par d'autres voies, disons par le parlementarisme, c'est même pas la peine à l'époque, c'est une période où tout est verrouillé, tout est bloqué. Il faut quand même dire que ça se passe. Quand même une vingtaine d'années après la Commune, que la Commune de Paris, ça a été quand même un massacre épouvantable, on a tué 80 000 personnes, qu'on a flingué toute une génération d'intellectuels, pas seulement de militants politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternative à ce moment-là. Ceux qui ont sauvé leur peau sont en exil à Londres ou sont au bagne de Calédonie cette fois-ci, comme la brave Louise Michel. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'alternative dans le pays, il n'y a plus de journaux. À part quelques petits brûlots incendiaires que font les anards, à cette époque-là, il n'y a pas encore les grands syndicats. La CGT va se créer en 95, donc l'année d'après, ce sont d'ailleurs les anards qui sortit un peu déjà de la dérive terroriste de cette époque, qui veulent faire quelque chose de plus constructif. Montent les premières bourses du travail, montent les premiers syndicats, montent la CGT, vont créer l'Humanité, le journal, mais tout ça, c'est pas encore là. Et donc, il y a un désespoir chez tous ceux qui pensent une alternative, parce que c'est pas seulement chez les anards, dans le mouvement qu'on appelle à peine déjà le mouvement socialiste, le mouvement un peu plus traditionnel, si vous voulez, l'alternative, il y a le même désespoir. Il y a un taux de suicide dans le milieu ouvrier qui est colossal. Il faut imaginer le poids du désespoir à cette époque-là, et qui est dans ce cas-là des actes totalement désespérés et tout à fait compréhensibles. Aujourd'hui, vous savez qu'en France, on a un taux de suicide chez les jeunes absolument astronomique, et que ce type de période de grand malaise social, de grand effondrement de ce qui peut structurer les gens et leur donner un minimum d'espoir, c'est quand les gens ils se disent... Il faut quand même dire que sur le plan électoral, aujourd'hui, ça a changé. Oui, qu'un type comme moi puisse devenir, rentrer au Parlement européen, ça aurait été impossible à cette époque-là. Donc, il n'y a pas de possibilité pour personne de changer la société. Et en plus, vous avez un parlementarisme qui atteint un degré de corruption absolument terrifiant. C'est l'époque du scandale Wilson, du scandale de Panama. Donc, on a toutes ces affaires sur le dos. Et c'est vrai que tout le monde est vraiment indigné. L'idée de tuer Gambetta n'est pas absurde à l'époque. Pourtant, c'est loin d'être le plus corrompu et le plus crapule. Mais il est très emblématique de cette espèce de bourgeoisie très rayonnante comme ça, qui en plus se montre beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les grands patrons, pour aller les filmer, c'est très difficile, ils interdisent les biographies sur eux, ils se planquent, vous les voyez pas à la télé, tandis qu'à l'époque, c'est les fêtes sans arrêt, dont dépense un argent fou. Juste avant l'affaire Léautier, ça l'a d'ailleurs beaucoup choqué, elle en parle tout le temps, la France et la Russie viennent diplomatiquement de se rapprocher, alors que ça n'allait pas depuis longtemps, et le tsar est venu faire une visite à Paris. Il a été d'ailleurs reçu à Marseille ici, ça a été un déploiement de faste absolument monumental, et Léautier, il trouve ça obscène, il le dit, ça le choque profondément de voir que des gens crèvent la dalle à côté, et donc c'est ce contraste c'est un contraste très violent, la société est très violente. Et donc il y a les réactions sont très violentes. Je pense que si jamais ce serait arrivé dans une période plus tranquille, quoi, où les gens avaient du boulot, donc il faut mesurer ça. Et c'est vrai que son isolement personnel fait qu'il en arrive à des extrêmes où il ne serait pas arrivé, je le répète, à mon avis, s'il avait milité dans un groupe anard structuré de l'époque, engagé dans le combat, dans les entreprises, ou dans comme tous les révolutionnaires de l'époque faisaient. Mais il faut quand même voir aussi que les grands intellectuels des anarchies à l'époque, y compris Sébastien Faure, qui lui n'a jamais posé de bombe, jamais rien fait, de cet ordre en tout cas, il y avait ceux qui condamnaient l'emploi de la violence. Et puis il y avait ceux qui refusaient de condamner les camarades, et c'est le cas de Sébastien Faure. Il dissuade Léautier, il ne refusera pas de donner à la presse la lettre que Léautier lui a envoyée, mais il refusera aussi de dire « je condamne ce qu'a fait ce garçon ». Même Gisèle Reclus, qui était particulièrement nonchalant, n'a pas condamné vraiment Ravachol, non. Et on trouve des textes de Kropotkine, bon, avant la période des attentats, où il dit que tous les moyens sont bons, pour lutter contre la bourgeoisie, le poignard, et il y a des phrases de Kropotkine qui... Il faut savoir que c'est pas seulement... Je suis pas contre la violence, je suis contre la justice, et si on lutte contre une injustice en faisant une autre... Je vois pas comment vous cela dit, c'est un contexte totalement européen aussi, très important de voir ça. En Espagne, on fait sauter l'amiral... non, c'est pas l'amiral Carrion Blanco, c'est... comment il s'appelait... non, mais c'est pas celui-là. L'amiral... comment il s'appelait... je sais plus son nom, donc il est tué. Les coupables, en tout cas, ceux qui ont été présentés comme ça, les anarchistes sont arrêtés, ils sont garrottés. C'est quand même à l'époque, il y a eu un nombre d'exécutions en Espagne absolument terrifiant. Il y aura un attentat très grave au Liceo de Barcelone. Martínez Campos. On venge les gens mettant une bombe au Liceo de Barcelone, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, une faute de goût, parce que c'est un endroit très charmant. Donc il y a beaucoup de violence en Espagne aussi, mais il faut savoir qu'on, de l'autre côté, là-bas c'est le poids terrible de l'Église catholique. Il faut penser qu'une dizaine d'années plus tard, 14 ans plus tard, on va garrotter Ferrer, le merveilleux Ferrer, parce qu'il avait eu le culot de monter une école non catholique. Il n'avait rien fait d'autre. Ça vous donne une idée quand même du poids de répression qu'il y a sur tous les gens qui ne sont pas d'accord avec le régime. En Allemagne, c'est pareil. En Italie, c'est pareil. Quelques années après, vous savez, il va y avoir en Suisse l'attentat contre Sissi, l'impératrice, qui dans la réalité est un personnage certainement sympathique, mais pas tout à fait celui du cinéma. Il va y avoir des choses comme ça assez dures. Et les seuls endroits où on a un petit peu la paix, la liberté d'expression, à cette époque-là, c'est un petit peu en Belgique et beaucoup en Angleterre. Donc tous les compagnons qui ont la justice ou la répression faite se partent en Angleterre. À ce moment-là, Pouget, le père Pénard, est en Angleterre. Paul Reclus, le fils d'Élisée, est en Angleterre, ou le neveu d'ailleurs, c'était le fils de son frère. Enfin bon, peu importe. Beaucoup sont en exil, ce qui fait que quand, au moment du procès des 30, on fait une rafle, vous imaginez qu'on a arrêté plus de 800 personnes dans toute la France. Je viens de pas expliquer comme n'importe quel prétexte. Et puis, au fil des mois, on s'aperçoit qu'on ne peut pas juger ces 800 personnes. On se dit, bon, on va en juger 250. Puis c'est encore trop. Au bout du compte, il en restera 30. Et encore dans les 30, ils ne sont pas tous arrêtés. Puisque je vous dis, Reclus, Pouget et deux, trois autres sont en exil. Et c'est vraiment une période de répression terrible. On a peine aujourd'hui à imaginer. Aujourd'hui, si vous êtes des anards et que vous voulez dire il faut pendre Pasqua par les couilles, vous pouvez aller le dire sur une place publique, personne ne vous arrête. Si vous le faites, je ne sais pas, mais vous serez béni par une grande partie de la société. Mais je veux dire, aujourd'hui, la liberté d'expression existe. On peut dire à peu près tout ce qu'on veut dans la presse, puis dire Charlie Hebdo, le canard enchaîné, bon. Mais à cette époque, il y a une espèce d'étouffoir terrible qui crée, je dis, cette espèce de grand désespoir chez un certain nombre de militants. Et puis il y a ceux qui pensent que réellement il faut mettre la bourgeoisie à genoux, il faut la terroriser. C'est le cas d'Émile Henry, c'est le cas de Vaillant. Vaillant, il pense qu'en mettant une bombe à l'Assemblée nationale, plus personne n'osera y rentrer, quoi. Et il leur a flanqué une trouille quand même pour pas mal d'années, hein, Vaillant. Mais c'est un peu dommage que des militants de cette envergure, parce que Vaillant ou Henri étaient des types qui avaient vraiment réfléchi, des hommes de qualité, aient fait des actes qui les ont conduits à disparaître de la surface de la Terre. Ils auraient peut-être été utiles d'une autre manière. Oui, mais bon, c'est eux qui en ont jugé, quoi. Je veux dire, ils ont pris leur risque. Moi, personnellement, je ne prendrais pas ces risques. Je peux en prendre d'autres, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Donc voilà, peut-être des questions sur les époques, l'époque. Hein? Dans les Balkans, il se passait pas mal de choses, oui, exactement. Il faut dire à l'époque, ou bien on avait des régimes parlementaires, mais largement truqués. C'est au niveau de la comparaison que tu fais entre l'époque donc, de l'évoquer et puis la nôtre. Au début, j'ai l'impression que enfin, ce que tu disais, c'était vraiment très très clair qu'il y avait vraiment résonance entre les deux époques. Quoi. C'était ça qui faisait en partie l'actualité, entre guillemets, du livre à son intérêt pour les lecteurs aujourd'hui. Et sur la fin, j'ai l'impression que les différences étaient beaucoup plus importantes. Donc j'ai un petit peu du mal à me situer. Il y a les deux. Non, la comparaison, je l'ai fait sur un point, c'est que c'est vrai qu'après, entre l'époque de Léautier et la nôtre, il y a une période de conquête de droits sociaux assez considérable, et due en grande partie à l'organisation des gens sous forme, en particulier syndicale, si tu veux. Donc on a arraché un certain nombre de choses pendant un certain nombre de décennies. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on assiste à la liquidation de ces acquis. Ce qui permet aujourd'hui, du côté patronal, bon, on peut dire quand même jusqu'à l'après 68, il y avait des conflits sociaux, mais ils se résolvaient souvent par des négociations, par quelques avancées, grosso modo, ça se jouait comme ça, ce qui est le jeu à peu près dans une démocratie qui est quand même sous le joug capitaliste. Mais par contre, depuis une dizaine d'années, on voit très très bien, on a le service public qui est... Il y a 15 ans, je suis désolé, mais c'était très très rare de voir le cynisme d'un... Quelqu'un parlait de Père Levade ou de tous ces grands patrons qui font des détournements d'argent considérables au vu de tout le monde dans l'impunité la plus totale. C'était quelque chose, il y a 20 ans, c'était exceptionnel ce genre de choses. Donc on revient à cette forme d'arrogance qui irait l'époque de Léotis. Sur ce point-là, je ne parle pas. Sur le reste, c'est plus compliqué. Et donc, c'est vrai que ça permet aujourd'hui, c'est vrai quand on lit un certain nombre de choses qui sont dans le livre où je décris un peu la situation, où Léotier l'a décrit lui-même dans ses déclarations, ça a une résonance avec des choses d'aujourd'hui. Quoi. Moi, je crois que quelqu'un qui aujourd'hui serait cordonnier dans un supermarché où on décide de faire un dégraissage comprendrait très très bien la situation dans laquelle vivait Léotier. La différence, c'était les conditions économiques étaient quand même très différentes. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de RMI à l'époque. Il y avait du chômage quand même, mais c'était du chômage modéré par rapport à aujourd'hui. Il y avait vraiment même les gens qui travaillaient. Enfin, je me souviens de quelques lectures dans l'Europe à l'époque, par exemple, les bouquins d'Eldoff racontent dès que les familles avaient plein de gosses, ils crevaient de faim. Quoi. Ah oui. Installés, même en ayant du travail, ils ne pouvaient pas être meilleurs en famille. Il n'y avait pas de chômage, je pense que les femmes étaient toutes à la maison. Oui, pratiquement, c'est exceptionnel. Oui. Quelqu'un qui travaille, une femme qui travaille, il y avait quelques journalistes, il y avait Séverine à cette époque. Moi j'en parle d'ailleurs parce qu'elle connaît le patron du Bouillon du Val. C'était vraiment exceptionnel. Et ce qui fait que lorsqu'un homme perdait son travail, lorsqu'un homme perdait son travail, c'était la misère instantanée pour toute la famille. Ou lorsqu'il allait en prison pour une bêtise parce qu'il avait volé. On est presque dans du Victor Hugo, là, avec le type qui vole le pain. Il n'y avait pas de droits sociaux quasiment. Tu disais, il n'y avait pas de RMI, non, il n'y avait pas de RMI. Alors on peut dire tout ce qu'on veut contre le RMI aujourd'hui. À cette époque-là, ils auraient été ravis d'avoir le RMI, quoi. Faut mesurer. Ceux qui ont 25 ans, ils n'ont toujours pas. Oui, ceux qui ont 25 ans, ils n'ont toujours pas. Et Léotier, donc, ne l'aurait pas eu. Il y avait le livret de travailleurs. Parce que de fait, les travailleurs à cette époque-là pouvaient faire toute la concurrence. Et de fait, ils arrivaient à se vendre mieux. Ah, bah, bien sûr, aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Il n'y avait pas le chômage. Et comme il y avait le livret de travail, ça pondérait fortement la chose, puisqu'il ne pouvait aller mieux que la condition que l'entreprise qui quittait leur donne le livret. Tout simplement. Et dans les mémoires, tu critiquais Ravachon, mais les mémoires de Ravachon, c'est quand même un texte intéressant à lire, parce qu'il explique comment il est tombé dans la délinquance, entre guillemets, c'est vraiment parce qu'il n'avait plus de boulot, connu comme anarchiste. Oui. Il était grillé chez tous les patrons de la région, et dans ces cas-là, il ne pouvait plus trouver de travail, il devait aller partir à Paris, et puis il devait y avoir des listes noires qui tournaient. Ah ben ça, il est certain que si on connaît vos opinions, même pas anarchistes, mais révolutionnaires, même socialistes, à l'époque, vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain par le patron, puis il n'y a pas de recours, quoi. Et donc voilà, c'est quand même assez différent de ce côté-là. Enfin, moi, je trouve des résonances, quoi. Notamment quand je décris la magistrature de l'époque, parce que ça méritait de... On en présente quelques-uns. Il y a par exemple le procureur de la République, je crois, Paris, qui est un homme extrêmement violent avec les anarchistes et vraiment le bourgeois presque archétypal. Et quand on guillotine quelqu'un qui l'a envoyé, lui, à la bascule à Charlot, il s'arrange avec le bourreau pour qu'on lui donne un peu de la peau pour faire des petites bourses, pour impressionner les filles. Vous voyez, c'est quand même... quand je dis c'est une époque dure, c'est vraiment une époque dure. Et le fameux Pranzini, là, un des grands criminels de l'époque qui a été guillotiné, il a été rendu à sa famille, il était quasiment en morceaux, quoi, parce qu'on avait distribué presque toute sa peau. Mais parce que toute sa peau a été le plus charcuté. Alors, tout le monde voulait avoir un bout de la peau de Pranzini pour se faire un portefeuille. Vous voyez, c'était, il y a un côté vraiment anthropophage de les cordes des pendus. Oui, mais enfin, la corde du pendu, c'était la corde, quoi. C'était pas le pendu. Oui, non, il y a eu des choses comme ça, terribles. Alors, à part ça, là, je donne une image très négative de l'époque. Moi, c'est une époque que j'adore. Je la trouve formidable, cette époque. Parce que, en dehors de tout ça, Et là, il y a une autre comparaison avec la nôtre. D'abord, c'est une fin de siècle. Les fins de siècle, en général, elles sont turbulentes. Je ne sais pas pourquoi, mais une fois, on fait la révolution, une fois, on fait la commune. Et là, comme disait quelqu'un hier soir, cette fois-ci, on a eu l'éclipse. Mais bon, disons, c'est assez turbulent. Et ce sont des périodes où il y a beaucoup d'innovations. Et c'est vrai qu'au moment de la révolution, il y a eu beaucoup d'innovations. Après la commune, la période que je décris, il y a beaucoup d'innovations. Nous, on vit une période de changement technologique, de changement de mœurs, de changement vraiment très profond. Et à cette époque, c'est pareil. Imaginez que la photo s'est développée, on commence à voir les photos dans les journaux, ça change un peu la chose, au point que le préfet Lépine, fameux le préfet du Goncourt, qui est le préfet de police de l'époque, interdit aux journaux de reproduire la photo des terroristes anarchistes, ce qui fait qu'il n'y a pas de photo de Léo Thier, elles ont dû être détruites, même au musée de la police, je ne les ai pas trouvées. Je trouvais des dessins, mais pas de photos. C'est l'époque où on invente le cinéma, l'année suivante, la bande dessinée explose, la peinture, pour la première fois, vous avez des peintres qui cherchent autre chose qu'à représenter la nature, mais à l'interpréter, à faire autre chose, c'est la naissance des impressionnistes. Les impressionnistes, parmi eux, il y a beaucoup d'anarchistes, dans tous ces nouveaux peintres, un Pissarro, un Seurat sont des libertaires. D'ailleurs, ils auront des actes très courageux à certains moments. Chez les caricaturistes, il y a énormément d'anards, que ce soit Ibels, que ce soit tout ça, puis plus tard ceux qui vont faire l'assiette au beurre, Josso commence tout juste à dessiner à ce moment-là, mais enfin bon, c'est cette ambiance-là. Il faut savoir que les impressionnistes sont découverts, exposés pour la première fois, critiqués pour la première fois, encouragés par Félix Fénéon, qui est un libertaire et qui sera la grande vedette du procès des 30, personnage tout à fait étonnant, et qui lui-même, on le sait aujourd'hui, est le responsable de l'attentat au restaurant Foyot, qui a fait sauter le restaurant en face du Sénat, et où la principale victime a été un autre anard, qui était Laurent Taillade, célèbre pour avoir dit qu'importe la victime si le geste est beau, et c'est à peu près la seule victime de cette phrase, c'est lui, il était en train de draguer une nana au restaurant Foyot, et il a pris un éclat dans l'œil, il est devenu bon. On rigole, mais bon, Laurent Taillade était un personnage très critiquable et en même temps un peu pittoresque. Bon. Donc, on est dans cette époque de bouillonnement vraiment très important. Ceux qui sont allés en exil à Londres ou à Bruxelles ont ramené aussi d'autres habitudes, d'autres formes de pensée. Ils ont lu d'autres livres, ils ont lu d'autres journaux, ils ont vu d'autres artistes. Donc c'est une période très bouillonnante où il se passe beaucoup de choses. Et je crois que pour moi, une période révolutionnaire, c'est pas seulement une période où il y a des révolutionnaires. C'est une période qui elle-même est une période de transformation, une période d'évolution. Et face à ça, on a un pouvoir et une bourgeoisie extrêmement conservatrice, extrêmement coincée. Et si je faisais une comparaison, là je ferais plutôt une comparaison avec la période du gaullisme et d'avant 68. C'est-à-dire un grand bouillonnement culturel, beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui se passent, et un régime totalement coincé. Et donc forcément, la soupape doit péter à un moment. Alors 68, elle a pété autrement, mais il y a des périodes comme ça où ceux qui dirigent et les puissants ne sentent pas arriver les tourments d'une société, et un capitalisme intelligent les accompagnerait. Heureusement pour nous, ils n'accompagnent pas toujours, donc ça permet de temps en temps de faire autre chose. J'ai l'impression que cette époque était finalement dans l'histoire de l'anarchisme qui est assez courte. Très courte. 1890-1894, elle est restée fortement marquée dans l'esprit des gens, parce que quand on parle d'anarchisme, les gens pensent forcément terrorisme, violence, assassinat. Ça va être un peu méchant, mais est-ce que ce bouquin ne contribue pas à continuer cette image? Tu exprimes un des soucis qui a été le mien, c'est pour ça que j'ai mis une préface, une postface pour un peu m'expliquer là-dessus. Il faut dire évidemment que c'était tout l'intérêt des adversaires de l'anarchie de mettre en épingle cette période. En même temps, on a survalorisé par exemple Ravachol, on n'a pas tellement creusé Émile Henry. Ceux qui ont fait des livres sur Émile Henry, c'est plutôt des compagnons anar eux-mêmes. Par contre, Ravachol, il y en a eu de tous les côtés, il y a eu des adversaires et tout ça, mais on avait intérêt à monter en épingle parce que, bon, il n'a pas fait grand-chose pour l'alternative, Ravachol, alors que Henri était impliqué dans beaucoup de combats de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus facile, évidemment, pour discréditer les idées libertaires, de mettre en avant quelqu'un qui a fait un attentat, plutôt que, je ne sais pas, même un Sébastien Faure ou un Jean Grave, qui ont eu 40, 50 ans, 60 ans de combat quotidien, pacifiste parfois. Bon. Et c'est vrai que ça, c'est moins intéressant pour les adversaires de mettre en avant ce qu'il y avait de bien. Et peut-être aussi que... il y a un travail à faire du côté des gens qui se revendiquent de l'anarchie aujourd'hui pour assumer l'intégralité du patrimoine des idées libertaires dans ce qui est noir, enfin noir, c'est pas le mot, ce qui est sombre, et dans ce qui est plus clair. Tout est en noir. Le problème, c'est que ton bouquin paraît chez Flammarion, un bouquin sur la ruche de Sébastien Faure, ça va paraître chez un éditeur libertaire. Eh bien, c'est un tort de ne pas l'avoir présenté à Flammarion. Ah, je ne sais pas qu'il faut... si l'auteur l'a présenté, que ça a été refusé. Il faut vraiment profiter chez Flammarion en ce moment qu'il y a quelqu'un de très ouvert aux idées libertaires, qui est Raphaël Sorin, qui lui s'intéresse à toutes les formes d'alternatives, de révolutionnaires, de tous les machins. L'autre jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, parce que moi j'ai participé au démontage du McDo de Millau, il faut quand même vous expliquer un peu. Donc Beauvais, c'est un ami de 20 ans, il m'a dit, il faut que tu fasses un livre avec Beauvais tout de suite, etc. Bon, il est très rapide. Mais disons, comment nous avons démonté le McDo de Millau, c'est vrai que c'est un truc assez amusant. Surtout qu'aujourd'hui, pour une personne qui a participé, il y en a 10 qui disent, j'y ai participé parce que je vais être condamné aussi. Donc il est très à l'affût de ça, mais dans 6 mois, ça se trouve, Sorin ne sera plus là et je n'aurai plus faire mon livre. Donc moi j'essaie de lui caser le procès des 30, j'essaie de... on discute en ce moment de la réédition des Orgasmes de l'Histoire, parce qu'il l'avait lu à l'époque, il aime beaucoup ce livre, il aimerait bien le refaire, enfin que je le refasse en tout cas, et je négocie avec lui une histoire du mouvement écolo depuis 68, tu vois. Si Flammarion ne le fait pas, je les ferai sans doute chez les plus petits éditeurs. L'ennui, c'est que il faut gagner sa vie aussi, et quand on vit de sa plume. Surtout que ce livre, il y a 8 ans, Flammarion te l'avait refusé. Oui, exact. Alors, je ne sais pas, juste pour revenir sur cette histoire d'éditeur et sur Raphaël Sorin, c'est pas simplement parce que c'est un film d'honneur qui propose ça, parce que c'est évident. Je sais pas, vous avez non, une position. Non, parce qu'il a fait champ libre autrefois, il a fait ça toute sa vie, Sorin, si tu veux, il a toujours défendu les trucs comme ça. Mais les pratiques de Flammarion, ce sont des pratiques capitalistes standards. Normal. Dans une machine hiérarchique dégueulasse, avec... les gens qui travaillent chez Flammarion se plaignent pas trop. C'est une boîte qui paye pas mal. Mais beaucoup de boîtes où les gens sont exploités se plaignent pas. Hein. Oui, mais Flammarion, pas trop. Flammarion se plaignent pas trop. Il faut dire que c'est une boîte qui marche très bien. Bon, donc... D'ailleurs, Charles-Henri Flammarion, le patron, est un type plutôt attentif à ce que, par exemple, ses auteurs soient correctement payés. Il paye 2 fois plus que Gallimard, par exemple, tu vois, pour te donner une idée. Donc, c'est une des grosses boîtes d'édition capitaliste en France, sauf que c'est un capitalisme familial, tu vois. C'est toujours resté les héritiers, donc ils ont gardé ce côté un peu paternaliste des entreprises familiales, que n'ont pas les Hachette et tous les trucs qui sont en fait financés par Vivendi ou par... tu vois, bon, c'est pas du tout le même esprit. Moi je travaillais chez Hachette, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Mais simplement, si tu veux, l'édition, surtout dans les grandes maisons d'édition, maintenant est faite par des directeurs de collection, des directeurs littéraires. C'est-à-dire des gens qui sont des salariés et qui doivent amener des bouquins. Et Sorin, c'est celui qui amène tous les trucs un peu alternatifs, un peu qui sortent de l'ordinaire, du truc, tu vois. Donc c'est son créneau à lui. Flammarion est d'accord pour qu'il publie ses bouquins. Donc moi je dis, tant qu'il est là, profitons-en, casons le maximum de livres. En plus, c'est très bien distribué, hein, tu le trouves bien. Donc allons-y. Après, quand il sera plus là, ben, fera autrement. C'est pas un gros tirage, on a tiré à 4500, je crois. Mais il faut expliquer qu'aujourd'hui, les tirages sont beaucoup plus bas qu'avant, pas seulement parce qu'il y a beaucoup plus de livres, hein, il est sorti 45 000 titres l'année dernière en France, mais aussi parce que le lectorat qui ne grandit pas tellement se répartit en plus de titres, mais surtout que les technologies de l'imprimerie ont tellement évolué qu'aujourd'hui, un coup de fil, tu remets la disquette dans la bécane et on te ressort des bouquins. Donc ça ne sert absolument à rien de faire des gros stocks comme on faisait autrefois, tu vois, où les mecs avaient des hangars dans, dans les provinces pour avoir des fois 10 000 exemplaires d'avance, tout ça. Maintenant, c'est fini, ça. Donc tu fais tourner tes représentants qui notent ce qui intéresse les libraires, combien, et avec ton nombre de notés, tu remontes chez l'éditeur et dis bon, ben, il y en a 2500, on en fait 4000. C'est à peu près comme ça que ça se joue. Et évidemment, si ils en recommandent, immédiatement on retire. Donc c'est pas tout à fait la même logique qui encore ne serait-ce que 10 ans avant l'arrivée des grosses, de ces grosses machines numériques là, qui changent un peu la vie, il faut dire ce qu'il y a. Donc c'est pas un gros tirage, mais je pense que si on l'épuise, Flammarion sera non seulement content, mais surpris. Par rapport au propos précédent, il y a un mot qui est revenu très très souvent. J'aimerais bien avoir une définition, c'est celui d'alternative. Oui, disons que ce soir je l'ai employé dans le sens de... pour élargir un peu, parce que... à l'époque, quand je parle de répression vis-à-vis des anarchistes, c'est pas seulement les anarchistes, mais tous les révolutionnaires. Je dirais que j'ai employé le terme alternative ce soir comme étant le mot de, pour tous ceux qui veulent changer la société en profondeur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il a parfois ce sens, puisque il y a tellement de gens qui emploient le mot alternative. Hein ? Il y en a d'autres. De Ah, oui, je sais pas. Je sais pas parce que... si tu dis révolutionnaire, tu occultes ceux qui combattaient mais qui n'étaient pas des révolutionnaires. J'allais dire, non mais je veux dire quelqu'un comme les routiers par exemple. Lui c'est un révolutionnaire, il n'y a pas de doute. Oui, non, il n'y a pas de doute, ouais. Donc je veux dire, ça me semble un peu anachronique. Non mais à l'époque c'est aussi le début du... voyez pour cette époque-là, d'une part. D'autre part, bon, il me semble que c'est un mot, enfin, je veux dire, qui est un petit peu à toutes les sauces à l'heure actuelle, y compris dans le milieu libertaire. Il y a l'alternative libertaire, mais il y avait l'alternative rouge et verte, il y a les alternatives. Non, je veux dire qui gagnerait la hache un petit peu mieux définie. Certes. Et bon, je sais pas. Mais j'avais besoin d'un mot fourre-tout, j'en ai pas trouvé d'autre. Okay. L'intérêt du livre, moi je trouve que t'as une démarche intéressante, c'est de nous. Merci, Camard. Restituer un petit peu un fond de notre patrimoine qui est totalement méconnu. Je pense que c'est l'intérêt principal du livre. Et d'autre part, y compris dans le mouvement libertaire, je l'avais expliqué à la scène, on n'a pas à rougir un petit peu de cette période, ça fait partie d'un patrimoine. Il faut l'assumer en tout cas. Il faut l'assumer et je pense que des fois, à mon grand désarroi, y compris dans le mouvement libertaire, on essaye un petit peu de gommer cet aspect un petit peu du mouvement, qui est un petit peu préjudiciable à mes yeux au point de vue de son identité. Disons, en termes d'image de marque, ça n'aide pas. Mais en termes de patrimoine, je pense que ces gens-là étaient des libertaires, se revendiquaient des idées libertaires. Si on se revendique aujourd'hui des idées libertaires, il faut les prendre comme des ancêtres. Mais on n'est pas obligé de mettre tous ces ancêtres au même niveau, quoi. Mais c'est, je crois que, de même que moi je dis toujours qu'un chrétien ne peut pas faire l'impasse sur l'inquisition, même s'il est chrétien aujourd'hui. Un communiste aujourd'hui, même s'il est gentil, il n'a pas de couteau entre les dents, il est obligé d'assumer le stalinisme. Ça fait partie de son histoire. Et bien là, c'est pareil. Quoi. Moi, c'est pour ça que, pour moi, j'assume un de mes ancêtres en faisant ce livre, tu vois. Enfin, je le vois comme ça, moi, à titre privé. Oui, puis c'était le prétexte, tu le dis bien, je crois, ce livre est un prétexte à raconter une époque. Et vous verrez, si vous lisez le livre, parce que ça, je ne vous ai pas détaillé, mais je fais par exemple le calendrier, presque semaine par semaine, de tout ce qui se passe à cette époque dans ce domaine. Il faut penser que 3 jours avant, on garrotte quelqu'un en Espagne, 2 jours après, on fait une rafle à Chicago. Bon, faut imaginer l'ensemble de cette époque. Alors ça permettait de faire un petit clin d'œil aussi sur des personnages secondaires. Ça me permet, puisque Clément Duval est au bagne, de dire un petit mot de Clément Duval, qui est un personnage que lui, alors par contre, j'admire beaucoup, de parler d'anarch qu'on a complètement oublié aujourd'hui, parce que, ben, tout simplement, l'histoire passe. Donc c'est aussi un prétexte à raconter tout ce qu'il y a autour, parce que, je vous dis, les Hautiers, entre son attentat et sa mort, il ne s'écoule pas un an, il a 20 ans, il n'y a pas 200 pages à raconter sur les Hautiers, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un prétexte à raconter une époque, et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire entrer dans l'histoire par un petit fait, par quelque chose qui est très significatif et qui permet, en développant et en racontant le contexte, de raconter tout un tas d'autres choses autour. Ça, en tant que démarche d'écrivain, ça m'intéresse beaucoup, quoi. J'aime bien ça. Et si vous avez l'occasion un jour de lire Les organes de l'histoire, si on le réédite ou si vous le trouvez au puce, par exemple, dans les grands chapitres, quand même les grands chapitres de la Révolution, de l'alternative, comme tu veux, il y a des grands faits que je ne pouvais pas raconter en 10 pages d'un chapitre. La Révolution française ou la Commune de Paris, ce n'était pas possible. Alors j'ai pris un élément de cette période, par exemple sur la Révolution française, je l'ai pris au travers du combat des enragés, qui m'intéressait beaucoup. Et au travers de la démarche de ceux qui me paraissaient les plus proches des libertaires, de ce qu'ont pu être les libertaires à l'époque, de traverser la Révolution française en donnant un point de vue qui restait fidèle au fil conducteur de mon a priori, qui était de raconter les grandes alternatives, alors là, au sens plus strict du terme, c'est-à-dire ceux qui ont fait des écoles différentes, des choses comme ça, et les grandes insurrections qui avaient un caractère spontané, disons. C'est un peu ça l'idée des organes de l'histoire. C'est quoi l'histoire des enragés là? Des enragés. Des enragés. Eh bien, tu as un excellent chapitre là-dessus dans un livre qui s'appelle Les organes de l'histoire. Tiens, trouve. Mais je suis sûr qu'ici vous avez le bouquin de Kropotkin en parle. Oui, ou même les bouquins de Domanger qui avaient fait des trucs là-dessus, ou voilà, des choses comme ça. Vous devez avoir ça ici. C'était... Donc c'est peut-être ce qui avait de plus radical pendant la Révolution française, oui. Non oui. Oui. Oui. Oui. Oui. S'il y a des historiens... C'est Alain Sergent, ou Amélie Sergent parle de ce... Oui, c'est des précurseurs, on peut dire. Voilà. C'est la tendance la plus libertaire des révolutionnaires de 89, où il y avait des personnages d'ailleurs tout à fait étonnants, et personnellement dans mes projets, parce que des livres de ce genre, j'en ai plein sous le coude, que j'aimerais bien trouver, j'aimerais raconter l'histoire de Rose Lacombe, parce que les féministes aiment bien mettre en valeur les femmes de la Révolution, etc., et elles mettent en général les moins intéressantes. Par exemple, Olympe de Gouges, à part qu'elle a sorti quand même un texte qui est intéressant pour l'époque, c'est un personnage qui n'est pas intéressant du tout. Elle n'est pas très révolutionnaire, elle est, bon, c'est pas intéressant. Ou alors Charlotte Corday, de l'autre côté. Elle l'est dans la mesure où elle a écrit... Oui, c'est ça. Oui, ce que je dis, à part ce texte, sur Olympe de Gouges, je vous assure, pas vraiment. Par contre, il y a des personnages dans la Révolution française, féminins, qui ont été totalement occultés, qui sont très intéressants. Et Rose Lacombe, c'était une comédienne, et elle était la compagne d'un des leaders des enragés, je crois que c'était Leclerc, et elle a joué un rôle très très important. Je crois qu'on ne sait même pas comment elle a disparu. Est-ce qu'elle a été guillotinée de façon obscure dans les derniers trous, ou est-ce qu'elle s'en est sortie, on ne sait pas. J'aimerais bien, dans la Révolution française, je vais raconter l'histoire de Rose Lacombe et l'histoire du clerc Maillard, qui a une caractéristique extraordinaire, c'est que c'est le premier qui est rentré dans la Bastille. Parce que dans la Bastille, ça canardait de tous les côtés, les premiers qui ont marché sur la planche qui avait été tendue ont été descendus, et puis le premier qui n'est pas descendu, c'est Maillard, il rentre. Et du coup, il devient un héros à l'époque, on a totalement oublié que ce personnage était un héros extraordinaire, et quand les femmes, encore elles, vont à Versailles chercher le boulanger, la boulangère, le petit mitron, elles disent quand même, nous, les histoires militaires ne connaissent rien, il nous faut un chef militaire qui nous accompagne, et elles vont chercher Maillard, qui n'est pas du tout militaire, et c'est lui qui conduit les chars. Un destin merveilleux, ça. Alors, j'ai ça de notes sur Maillard, et j'ai pas réussi à les assumer pour le bicentenaire, donc j'attends le tricentenaire. Pour... Le problème de Gouges, elle a été quand même guillotinée, c'est une petite affaire. Ah non, il y en a eu plein de guillotinées. Il y en a eu plein de guillotinées. Non, je sais, Olympe de Gouges. Mais Olympe de Gouges, c'est vraiment, pour moi, c'est l'héroïne bourgeoise dans la Révolution. Mais moi je cherche des héroïnes du peuple parce que là vraiment, celles-là on les occulte totalement et c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Et puis il y a quand même peu de femmes qui ont été des obsédées de la guillotine dans les héroïnes de la Révolution. C'est une dimension intéressante. Il n'y a pas de Fouquier Tinville femme. Voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que les projets il y en a plein et qu'il n'y aura jamais assez d'éditeurs pour éponger tout ce qu'on peut faire, et moi j'incite beaucoup les gens, ici vous avez un lieu formidable, il y a plein de documentation, moi je pense qu'il y a, d'abord il y a des rééditions à faire, et puis il y a des recherches des fois à prolonger, il y a des recoupements à faire, moi vous savez les Hautiers, j'ai fait du copier-coller, hein, le plus gros article sur les Hautiers, il est grand comme ça, donc il a fallu, des fois je suis allé chercher dans des mémoires de courtisanes de l'époque, une ligne qui précisait un détail sur un personnage archisecondaire du livre. Donc, c'est... Cela dit, c'est assez excitant à faire, ça. Moi, j'avoue que j'adore fouiller les vieux papiers. Pardon ? J'ai pas entendu. Hein ? Je disais que les courtisanes étaient déjà... Celle que j'ai lue, je t'assure, non. Elle était vraiment très réac. Et elle ne couchait qu'avec des gens qui étaient vraiment les ennemis des révolutionnaires. Cela dit, il y en avait des plus sympas quand même. Que je fais allusion à Cora Pearl, qui était vraiment quelqu'un de pas très défendable. Mais qui a eu une histoire absolument invraisemblable avec le patron des Bouillons du Val, donc je suis allé voir, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça de toutes, mais bon. Non, mais c'est déjà perdu le système de l'argent. Moi, je suis très réservé sur cette vision-là. Je pense que... Non, mais les grandes courtisanes, c'était pas ça, hein, c'est vrai. Non, les grandes courtisanes, c'était des filles qui avaient très bien compris qu'elles pouvaient avoir un hôtel particulier et des laquais à leur service en couchant avec deux, trois ducs russes qui passaient par là. Et ce qu'ils ont fait, ma foi, bah, c'est leur liberté pour elles, mais ça n'en fait pas des révolutionnaires pour moi. En tout cas, moi, personnellement, je souhaite continuer à être un révolutionnaire, mais si c'est comme ça, je redeviens... je redeviens un petit mec tout simple. Sur l'immensité, quand même. Ce sont les femmes qui se sont quand même émancipées. Je suis désolée, les courtisanes. Vous savez, à l'époque, moi, je préfère quand même l'émancipation façon Flora Tristan, Séverine, ou ces femmes quand même qui étaient des... Non, mais quand même, hein? Oui, en effet. Ah, c'est plus difficile d'être Flora Tristan que Olympe de Gouges, la belle Otero. Hein. Ça, c'est sûr. Pas sûr. Vous pensez? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je pense que Flora Tristan, quand on sait tout ce qu'elle a pris dans la gueule, c'était pas des maths, là. Elle est morte à 40 ans, quand même, hein, Flora. Elle est morte à 40 ans d'épuisement. Non, enfin, je veux dire, bon, chacun a les héros qui peut. Moi, chez les héroïnes, je préfère Rose de la Colombe, je préfère Séverine et Flora Tristan et Louise Michel. Elles me vont bien, celles-là. Ah non, mais Séverine, elle s'envoyait en l'air avec tout le monde, c'était pas du tout une puritaine. Pourquoi mélanger les serviettes et les torchons? C'est bien ce que pensent les gens d'ailleurs qui poursuivent les anarchistes. Exactement. Nous en avons à deux catégories bien distinctes. Il n'y a pas de catégorie distincte. Les femmes, ce sont des nouvelles catégories distinctes. En tout cas, il faut quand même dire qu'à l'époque, l'essentiel de la prostitution, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas les grandes courtisanes. Ce sont des filles qui y sont conduites par la misère, qui ont effectivement des souteneurs absolument ignobles. Les grandes courtisanes, il y en a quoi, une trentaine à l'époque? Il y en a une ou deux sympathiques. Hein. La belle Otero, c'était quelqu'un de plutôt sympathique, mais Cora Pearl, pas du tout. C'est vraiment très... Je sais pas, les grandes courtisanes, c'est quand même des personnages qui ont ruiné certains types de monde sur rue, ruiner un mec, c'est rien de bonne action révolutionnaire, mais la vie n'était pas du tout révolutionnaire. Je ne sais pas dans un but de l'époque. Non, elle est peut-être, son action l'a été, mais tu peux pas dire qu'elle était révolutionnaire ou anarchiste. Sinon quand un... C'était pour se faire une fortune personnelle. Sinon, quand le patron de Paris-Bas ruine le patron du Crédit Lyonnais, je dis n'importe quoi, il serait révolutionnaire, ça paraît un peu... Je parle pas de contemporaine, c'est encore autre chose. Oh, il y a des grandes courtisanes encore, hein. Il y en a une qui est dans l'actualité depuis quelque temps. Il fait des livres. Bon. C'est pas perdu ce truc-là. D'ailleurs, il suffit un petit peu d'aller voir. Les deux jours, c'est quand même enfoncer les portes ouvertes. Deux jours, voilà. Oui, enfin, de ce pour dire qu'il y en a toujours, quoi. Femme intermédiaire, c'est pratique, c'est discret. Enfin voilà. Lui, par contre, c'est le fait qu'en fait l'action n'est pas forcément liée aux idées, etc. Oui, oui. C'est pas parce qu'on a une pratique, une action violente, au contraire aux normes, que c'est forcément dans un but. Absolument. Progressiste. Mais par contre, bon, moi j'ai étudié pas mal de gens qui ont fait des actes terroristes comme ça. Et je suis quand même frappé par un truc, c'est ou alors les informations qu'on a sur eux sont pas bonnes. Hein. Je dis pas que ce qui est sorti sur eux était forcément fiable. Mais quand tu regardes par exemple l'assassin d'Elisabeth d'Autriche, et même un type comme Caserio par exemple, c'est des personnages, tu as du mal à comprendre pourquoi des personnages comme ça ont fait ça. Parce que c'était pas forcément des gens qui avaient une forte conscience politique. Ils étaient plutôt confus dans leur tête quand tu vois leur texte, puisqu'on a retrouvé le texte de l'assassin de Sicile. Oui. Je ne vais pas confondre avec le comédien. moi, j'avoue, j'ai lu ça. Et finalement, je comprends toujours pas pourquoi il s'est attaqué à Elisabeth d'Autriche. Quoi. Il n'y avait pas. C'était une cible facile. C'était une cible facile, mais finalement. Et leur but à l'époque, c'était qu'il fallait tuer un roi. Oui, oui. Mais c'est la même chose que le petit crétin qui a flingué John Lennon, finalement, c'était un peu du même genre. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec Vaillant mettant sa bombe à l'Assemblée nationale, où là, c'est un acte politique de protestation contre une classe politique corrompue, contre. Bon. Ça a un sens, on n'approuve pas autre chose, mais ça a un sens. Par contre, Caserio, finalement, c'était un être plutôt frusque, quoi. C'était pas quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi, il avait un côté un peu brutal. Il n'avait pas la finesse d'un Émile Henry ou d'un Félix Fénéon, quoi. C'était pas du tout du même ordre. Alors c'est pour ça que c'est difficile à manier, ces trucs-là. Et que je crois que tu as raison quand tu dis qu'il faut vraiment regarder le fond là-dedans, parce que sinon, n'importe quel type qui va tuer n'importe qui, on ne va pas le revendiquer quand même. Les ahuris qui prennent un fusil aux États-Unis qui tire sur la foule, personne ne défend ça ici, je crois. Mais par contre, qu'à certains moments, dans certaines situations, même quand tu es très non-violent, tu puisses accepter l'idée qu'on puisse employer la violence pour sortir d'une situation terrible. Moi, je pense que les mecs qui faisaient sauter des trains de munitions nazis pendant la guerre, moi, si j'avais été à cette époque-là, même si j'avais été non-violent à cette époque-là, j'aurais aidé ça si j'avais pu. Je veux dire qu'il y a des circonstances où... Enfin, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à beaucoup de mes camarades pendant la guerre du Kosovo. Il y a des moments où il n'y a plus de solution écolo. Et que donc il faut chercher quelle est la solution non écolo à laquelle on peut se rallier s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, il ne faut pas se rallier. Mais il y a des moments où les idées qu'on a elles sont dépassées par la réalité. Il y a des moments où on ne peut plus, quoi. Justement, pour reprendre aussi l'exemple de Langrave, oui. Moi je pense que Langrave a été beaucoup plus négatif pour l'anarchisme, par exemple. Voilà, il a mal fini. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui, ben on sait qu'en 14, il y a eu un moment de faiblesse là. Il n'y en a pas eu au Kosovo. Je ne sais pas trop ce qu'on fait les anarchistes au moment du Kosovo, je dois dire. Moi, je me suis mis un peu en train. Les anarchistes, j'ai entendu parler des pacifistes en général, des anarchistes. Le mouvement pacifiste a été très secoué dans le Kosovo. Parce qu'il y a une partie des pacifistes qui a une attitude très très radicale. Et puis une autre qui a dit, de toute façon, il faut intervenir. Et donc ça a failli faire exploser. Chez les Verts, on a failli exploser en deux sur cette histoire, hein, c'est clair. Dans les anarches, c'est soutien aux déserteurs, mais personne ne va soutenir l'OTAN à même. Non, personne. Il n'y a pas de guerre humanitaire, il n'y a pas de guerre. Je crois que tous les pacifistes, tous les pacifistes étaient d'accord pour être contre l'intervention de l'OTAN. Beaucoup étaient pour l'accueil des déserteurs. Hein. Les Verts ont lancé un appel, on doit accueillir des déserteurs massivement, etc. Mais ça, c'est des positions relativement faciles. Après, sur le reste, C'est une position très compliquée, et moi ça continue à faire bing-bang dans ma tête là-dessus, parce que je suis pas sûr, j'ai mon idée, mais je la communique peu, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment mon idée, tu vois. Mais c'est peut-être le moment de te demander, en tant que libertaire, comment tu fais pour être dans un parti... Non, ça je me suis demandé c'est il y a longtemps, ça. Non, mais je pose la question, là, parce que tu es là, mais... Si tu veux, mais alors... j'espère qu'on ne refait pas le débat de la Seine, Bruno. Non, mais Bruno, il a déjà parlé, ben, ça c'est... Non, mais si tu veux, puisque tu me poses la question quand même, et que je suis enregistré pour les archives ici, que ce sera donc utilisé contre moi, et que peut-être dans 60 ans, il y a un mec comme toi qui dira « Ouais, Fabien, c'est comme Jean Grave, il a été très bien jusqu'à un moment, puis après... » Tu vois, ça va être ça. Non, si tu veux, bon, d'abord, moi j'ai toujours été très écolo dans ma vie, bien avant même que j'ai entendu le mot. D'abord parce que j'ai été élevé par mon grand-père qui était jardinier, des choses de la nature, je connais bien, je suis imbattable sur les champignons, bon. Et toutes les questions d'environnement, j'ai été très sensible très très tôt. Donc c'est vrai que quand il est arrivé des mouvements écolos en France, j'ai commencé à m'intéresser à ça de très très très près. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'archives là-dessus aussi, c'est pour ça que si j'écris l'histoire du mouvement écolo depuis 68, j'ai un peu de choses à faire. Ensuite, je suis rentré chez les... D'abord, moi, j'ai appartenu à rien avant, même pas un groupe anard. Pour les anards, j'ai toujours été ce que les communistes appelaient les compagnons de route. Je fais des émissions sur Radio Libertaire, où ils avaient demandé une émission à Gougo, une émission à Aragon, une émission à Frémion, et puis je ne sais plus qui a été le quatrième, bon, des choses comme ça. Moi personnellement, j'ai toujours voté, et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas laisser la politique, même politicienne, ni aux gens qui avaient du pognon, ni aux gens corrompus. C'est ma position. Ça m'a fait 20 ans de débat avec mes amis libertaires, donc je ne suis pas sûr d'avoir envie de recommencer ce soir, mais disons que c'était un point de désaccord avec l'orthodoxie anarchiste. J'en avais d'autres, mais bon, c'était comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu arriver en 84 la fusion des différents petits groupes écolos en un parti dans son fonctionnement, reprenait les principes de base un peu de la démocratie directe, c'est-à-dire la rotation des tâches, le non-cumul des mandats, la parité homme-femme, les discussions à la base qui remontent, enfin bon, toutes ces choses, je me suis senti tout à fait en harmonie avec. Mais il a fallu que je me retrouve sur le terrain, là où j'habite en Aveyron, face à un gros problème d'environnement, et où je me suis aperçu que le combat associatif avait ses limites à un moment, s'il n'y avait pas un relais politique, bah, tu perdais ton combat. Je suis rentré en contact avec les Verts et qui m'ont encouragé à monter en fait un groupe écolo sur l'Aveyron où il n'y en avait pas, ce que je n'ai pas fait tout de suite, mais après j'ai participé à la création du mouvement. Et sans doute ils ont senti mes hésitations puisque instantanément, moins d'un an après, j'ai été député européen. Ils m'ont poussé tout de suite en avant. D'abord, j'étais le premier cultureux à rentrer chez les Verts, et donc ils avaient besoin qu'on développe ça. Et ils m'ont mis sur la liste aux européennes en position qui n'était pas éligible, mais qui s'est révélée éligible suite à un bon score. Et donc, pendant 5 ans, j'ai fait le député au Parlement européen, et je ne regrette pas une minute. D'ailleurs, j'ai expliqué l'autre jour, sans faire le débat, je te jure, rien que sur des petites choses, des petits détails, comme le fait de... Il faut quand même savoir que l'Europe donne énormément d'argent aux beaucoup de pays du tiers-monde, souvent pour pas de bonnes raisons, on est d'accord, mais que lorsque dans ces pays, il y a des problèmes de droits de l'homme graves, avec des gens qui vont être exécutés, ou qui sont torturés en prison, ou qui ont disparu, etc., que on nous demande d'intervenir, quand tout à coup le ministre de la Justice ou le président de la République ou le dictateur du coin reçoit une avalanche de députés européens, donc qui votent les budgets, qui disent Monsieur José Lopez, là, qui est en prison depuis 25 ans, on s'inquiète beaucoup pour lui, eh ben, il y a des gens qui ne sont pas exécutés, il y a des gens qui sortent de prison, il y a des gens qu'on arrête de torturer, tout ça, et pour nous, ça représentait des dizaines et des dizaines de gens à travers le monde. Alors je dis, si on avait fait que ça, fois, je sais pas, on y est allé, voilà. À part ça, on a fait des tas d'autres trucs. Mais c'est vrai que tu peux faire des choses. Et quand tu es dans un petit parti comme le mien, qui n'est pas au pouvoir, tu n'as pas le pouvoir de faire passer ses idées dans une instance comme ça, par contre, tu fais des tonnes de choses à côté. C'est-à-dire, tu profites. D'abord, tu as des moyens, tu as des interprètes, tu as des locaux, tu peux payer des billets de train à des gens parce que tu as un peu de fric pour le faire. Nous, notre gros travail des écolos français, en tout cas, ça a été d'arriver à faire se rencontrer les gens qui avaient des combats identiques dans l'ensemble des pays européens ou entre des pays européens et des pays du tiers-monde. Par exemple, tous les gens qui travaillent sur les colonies alternatives, on les a réunis. Tous les gens qui aident les jeunes de banlieue dans les endroits les plus mortifères, on les a réunis. Moi, j'ai réuni tous les gens qui se battent pour le maintien de l'école rurale, par exemple. Tu vois, donc, on a fait des trucs comme ça à l'appel. Donc, on a monté plein de coordinations, de tas de machins. À part ça, moi, dans l'environnement, j'ai monté la coordination mondiale anti-amiante qui a réussi à obtenir la directive qui interdit l'amiante maintenant. Bon, on a tous fait des choses. On n'est pas honteux d'avoir fait ça, on n'a pas forcément complètement sauvé la planète et on n'a pas forcément complètement changé le monde et on n'a pas fait passer toutes nos idées. Mais, bon, petites choses. Et moi je dis, des petites choses, fais des petites choses, fais des petites choses, bon, ben, c'est pas la révolution, mais c'est bon à prendre. Bon, c'est ma vision à moi, qui est à la fois réformiste et révolutionnaire dans sa perspective, et je crois que c'est à peu près la position des autres libertaires qui sont chez les Verts, vous savez qu'ils représentent à peu près entre un quart et un tiers du mouvement et libertaire, puisqu'il y a une composante des Verts, on appelle autrement les Verts, qui se revendiquent comme étant, en tout cas la sensibilité libertaire, qui ne sont pas forcément tous libertaires d'origine, si vous voulez, il y en a des très jeunes là-dedans, et qui est évidemment beaucoup plus radical et plus critique que la direction actuelle du mouvement vert, ou que Dominique Voynet, ou que Danny Cohn-Bendit, pour prendre des exemples, et qui était à l'origine contre l'accord avec l'accord de gouvernement. Précisé quand même. Donc ça vous explique. Je ne vous demande pas de m'approuver. Je comprends très bien. En fait. Mais il n'empêche que, pour moi, le patrimoine néotier est revendiquable par quelqu'un comme moi. Aussi bien que par vous, tu vois, c'est... Ah non, mais nous, on n'a pas le monopole. Non, mais... Bien continuer. Oui. Je sais bien. Je sais bien, mais pas de problème. Mais par rapport à ce qu'on dit, au titre du colloque qu'il va y avoir à Toulouse, Anarchisme à un avenir, tu penses qu'il en a pas? Je ne connais pas du tout. Siècles... Alors, ça dépend si tu parles des mouvements anarchistes ou tu parles des idées libertaires. Moi je pense que les idées libertaires elles n'ont pas cessé de progresser depuis au moins 68. Avant je ne me prononce pas trop parce que je n'étais pas en mesure de mesurer personnellement. Je trouve qu'elles ont fait de considérables progrès et qu'elles en ont fait notamment en s'échappant, si je peux dire, et je le dis s'échappant pas, c'est pas péjoratif ce que je dis, en s'échappant de la sphère stricto sensu des mouvements libertaires. Moi, quand j'étais jeune, si tu avais des idées libertaires, le seul endroit où tu pouvais en parler, c'était dans les mouvements libertaires. Donc, je sais pas, moi je faisais mes études à Bordeaux, on allait en discuter au ciné-club du 19 juillet de Bordeaux, qui est bien connu des anciens de la guerre d'Espagne, et on avait ce genre de discussion, mais en dehors de ça, tu passais un peu pour un martien, quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand tu parles, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la démocratie directe, sur ce genre de pratiques, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est même question maintenant que, à l'intérieur du RPR, on élise le président. Vous voyez à quel point nous faisons des progrès. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des idées qui sont banalisées. Des idées qui étaient certaines idées des libertaires se sont banalisées dans la population. Et aujourd'hui, le fait que l'explosion du mouvement associatif, par exemple, dans l'humanitaire, dans l'environnement, dans un certain nombre de combats, dans l'entraide, montre que les gens maintenant n'attendent plus tout des instances, etc. et pensent qu'ils peuvent se prendre en tant que citoyens en charge pour organiser des choses. Rien de plus libertaire qu'une idée comme ça. Simplement, si tu vas dire à ces gens qu'ils mettent en œuvre une idée libertaire, ils vont te regarder avec des yeux comme ça, ils ne le savent pas. Donc en ce sens-là, je pense que les idées libertaires ont un très grand avenir. Je pense même que ça va s'accélérer là, puisqu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, qui, parce que si tu mets des structures de discussion et de réflexion qui sont libertaires en place, les gens après ils vont pas se débarrasser de ça. Tu vois, ça veut dire ça va se développer, ça va aller de façon exponentielle, quoi. Tu vois, ça va pas progresser comme ça, ça va faire aussi. Maintenant, est-ce que pour autant les mouvements anarchistes traditionnels, enfin traditionnels, je veux dire ceux qui existent depuis longtemps, ont un avenir au troisième millénaire? Je suis incapable de le dire. Je pense qu'il y aura des mouvements anarchistes qui auront un grand avenir. Est-ce que c'est ceux d'aujourd'hui, ceux qui viendront? Est-ce que c'est ceux d'aujourd'hui qui seront transformés? Je ne sais pas. Et ça, c'est plus à vous d'écrire qu'à moi. C'est un débat. Oui. C'est pas Corabat qui pourrait dire.